Ce vendredi, à La Vie en BD, Guillaume Demers et Jérémy à le cœur qui tourne, Cab et la suite d'Hiver nucléaire, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude pour porter un regard cette semaine véritablement là, sur le 9e art. La semaine prochaine, je dis ça véritablement cette semaine parce que la semaine prochaine, on s'en éloignera un peu, on ira entre autres lorgner du côté du cinéma d'animation. C'est quand même un peu dans notre réseau, dans notre champ d'intérêt. Mais pour cette semaine, donc vraiment la bande dessinée qui est à l'honneur avec quelques regards, notamment en fin d'émission. On avait mentionné, je crois, en cours de saison, sinon la saison dernière, la création d'une filiale chez Glénat qui s'appelait Glénat Comics. Eh bien, plusieurs publications qui ont commencé à arriver au fil de l'automne dernier. Alors, Édouard Tremblay, nos libraires en résidence, on en a trois désormais d'ailleurs, eh bien, viendra nous parler des titres qui ont été publiés cet automne du côté de cette collection. Alors, peut-être quelques idées de lecture pour les amateurs de comics. Donc, ce sera en fin d'émission. En début de fin d'émission, si on peut dire deuxième moitié, on portera un regard un peu en rattrapage sur un album qui est sorti au fil de l'été, Hiver nucléaire, tome 2. J'avais trouvé fort sympathique le premier tome qui avait été offert par Cab en 2014, ça fait quand même déjà 2 ans. Bien content de savoir, il y a quelques mois, l'année dernière, en fait, qu'il y avait un tome 2 qui est en préparation. Et cet été, j'étais bien content également de l'avoir lu, un album qui reste vraiment dans l'esprit du premier, dans une belle continuité. Alors, ce sera plaisant d'en jaser avec Cab tout à l'heure. Et également, dans quelques minutes, dans une minute presque, on va jaser avec Guillaume Demers autour d'une bande dessinée qui s'appelle Jérémy à le cœur qui tourne. Deuxième bande dessinée qu'il nous offre du côté d'Espoir en Cannes. On avait déjà parlé dans le passé d'Hipster le chat, mais là, c'est vraiment dans un tout autre style. Un univers qui est peut-être beaucoup plus abouti, je pense, visuellement, narrativement également. Ça donne un produit dont on avait envie de vous parler assez rapidement aussi. On est moins en rattrapage pour ce titre-là et j'en suis bien content. Alors voilà pour le menu de cette semaine. Je n'en dis pas plus. On se lance avec un petit extrait musical, tiens, pour commencer, avec Bitonal Landscape, tiré d'une série de singles qui viennent de sortir. On écoute The Floppy Beady. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que si vous voulez en savoir un peu plus autour de l'univers bande dessinée, suivre d'ailleurs plus quotidienne peut-être ce qu'on vous propose ici à l'émission, mais vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. On est maintenant en compagnie de Guillaume Demers qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, sortie toute récente, donc Jérémy à le cœur qui tourne, donc nouvelle bande dessinée que tu nous offres chez Espoir en Cannes. Peut-être je te laisserai le bénéfice de nous la présenter, nous dire un peu les grandes lignes de ce que tu nous proposes. Bon, d'accord. Alors, c'est toujours un défi. Oui, ça commence bien l'entrevue. C'est une bande dessinée, en fait, qui m'est venue tranquillement à force d'enseigner la bande dessinée dans la ville de Québec un peu partout. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes, des enfants, des préadolescents, adolescents, qui avaient des défis particuliers à surmonter, donc de l'ordre du trouble d'attention, d'hyperactivité ou d'autres problèmes, finalement, qui pouvaient nuire à leur présence en cours, puis tout ça. Donc, beaucoup de discussions avec les parents, beaucoup de mises à jour à faire avec eux par téléphone, par courriel, tout ça, pour finalement me rendre compte qu'il y avait une bonne flopée d'enfants autour de moi qui étaient aux prises avec des problèmes qui étaient, ma foi, bien grands pour des jeunes de cet âge-là. Et puis, tranquillement, cette idée-là d'avoir un héros, finalement,

à suivre. Alors, ben, Guillaume Demers, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle, en fait, donc, le livre s'appelle Jérémy a le cœur qui tourne. C'est donc scénarisé et dessiné par Guillaume Demers du côté des éditions Espoir en Cannes. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous ici sur les ondes du 89.1 et on passe maintenant à quelques actualités, tiens, pourquoi pas. Alors, notamment du côté de l'Association des critiques et journalistes de bandes dessinées, eh ben il y a une petite nouveauté, enfin on aura l'occasion sûrement de vous en reparler, mais évidemment l'association consciente de l'importance accrue de la production jeunesse en bande dessinée, parce que les enfants évidemment sont aussi des futurs lecteurs, eh ben il y aura un prix jeunesse ACBD qui sera mis en place, un peu à l'image de son grand frère, le Grand Prix de la critique ACBD, le prix jeunesse pour ambition de soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée à destination des enfants, publié en français, avec forte exigence narrative, graphique et le reste. Alors, ça sera intéressant de suivre tout ça, un prix qui sera remis le 2 décembre prochain, mais on aura déjà une liste de 5 titres mis en nomination, si on peut dire, le 19 novembre. Alors, on aura l'occasion de vous en reparler, et vous savez ce que je pense de ces listes-là, je trouve que c'est de très, très belles références, de très, très belles idées de lecture potentiel. Parallèlement, les pépites 2016, Montreuil, Salon du livre jeunesse en scène Saint-Denis, qui a dévoilé donc ses finalistes. Je le mentionne simplement au passage parce que je voulais vous dire que Guillaume Perrault, facteur de l'espace à la pastèque, est en nomination dans la catégorie première lecture, donc quand même un bel honneur. C'est d'importance, si on peut dire, pris à tout le moins, en fait, pris en littérature jeunesse. Alors, c'est une belle démonstration de la qualité de cet album-là, Le Facteur de l'espace. Si jamais, d'ailleurs, vous n'avez pas eu l'occasion de le feuilleter, je vous enjoins à le faire. Et si jamais vous avez envie de savoir qui sont l'ensemble de ces nominés, on a relayé ça sur le Facebook de l'émission, facebook.com, La Vie en BD. Autre prix qu'on mentionne au passage, prix de la BD historique 2016, prix Château de Chevreny, de la bande dessinée historique, en fait, qui a été décerné début octobre. Eh bien, il l'a donné cette année à Ethan Wan, celui qui regarde Thierry Murat chez Futuropolis. Un récit romanesque et surtout très documenté, nous dit-on, du génocide amérindien. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, et puisqu'on parle également de bande dessinée de proposition de lecture, je vous mentionne au passage, depuis déjà quelques semaines en fait, la chaîne américaine ABC publie sur son site web une bande dessinée qui présente le quotidien d'une mère de 5 enfants prise au piège en fait dans la ville de Malaya en Syrie. Une bande dessinée produite par Marvel d'ailleurs, construite de 37 planches, qui est disponible entièrement gratuitement. Fait intéressant, c'est également une bande dessinée qui a été faite en collaboration avec les journalistes d'ABC News qui eux ont fait des entrevues avec justement une mère de famille monoparentale qui élève 5 enfants dans cette zone-là, qui a parlé de ses défis, des réalités qu'elle vit au quotidien, et c'est le dessinateur Dalibor Talagic qui a transposé ensuite ses témoignages en une bande dessinée. C'est vraiment intéressant, et ça apporte un éclairage additionnel à ce conflit, un éclairage additionnel également à ce qu'on peut voir dans des approches plus traditionnelles en matière de nouvelles. Alors vraiment, jetez-y un coup d'œil, donc c'est sur le site de ABC. Et en terminant, peut-être 3 petites nouvelles concernant le festival d'Angoulême. Alors, notamment, les principales maisons d'édition viennent d'annoncer son grand retour à Angoulême. Il s'agit de Dupuis. Alors, donc, ça a été annoncé tout récemment, alors, avec une grande rétrospective de Gaston Lagaffe, entre autres, qui fêtera ses 60 ans 2017, qui est prévu. Plutôt l'inverse, par contre, avec Fluide Glacial, le rédacteur en chef Yann Lindingre a annoncé, lui, que son équipe n'aura pas de stand pour l'édition 2017, puisqu'on juge que la somme demandée pour avoir un stand est devenue un peu excessive. Et sinon, Angoulême, on a annoncé également que Delphine Groux, la fille de Francis Groux, un des 3 fondateurs du festival, d'ailleurs, prendra la relève élève de Patrick Auzou, avec entre autres objectifs, ben, retrouver des relations saines avec la société organisatrice de l'événement, entre autres choses. Alors on verra qu'est-ce que ça va donner du côté de l'association. Ils ont eu un peu une refonte dans le fond de cette association suite aux travaux menés par le médiateur qui avait été nommé du côté de la France, le médiateur renommé par le ministère de la Culture. Petit commentaire également sur une, pas une lecture en fait, mais plus une belle surprise que j'ai eue tout récemment par voie postale. En fait, c'est la gang de Drone and Quarterly qui m'a envoyé ça. Et j'avais pas du tout ça vu ça venir. Et quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, ben j'ai une belle opportunité de vous reparler d'un film que j'ai beaucoup aimé dans sa sortie en salle et qui là arrive avec une vraiment une belle édition DVD. Alors il s'agit de Seth Dominion, le Dominion de Seth, film de Luc Chamberlain, produit par l'Office national du film du Canada. Un portrait évidemment de l'auteur BD Seth, à travers entre autres le développement de sa vie imaginaire, Dominion, donc dans son sous-sol, à travers son travail, un métissage de méthodes, de pratiques entre le film documentaire plus classique et la bande dessinée. Et là on nous offre une édition où, outre le film, on a une série de photos, d'images de la carrière de Seth. On a également quelques éléments, illustrations, extraits, bandes dessinées courtes et autres, donc qui nous permettent également de voir un peu la nature du travail de cette personne fort importante, évidemment, dans l'histoire et dans le cours de la bande dessinée d'ici. Je vous rappelle un peu le regard que j'en avais de ce film-là. C'est un film qui, à l'époque de sa sortie, il y a déjà quelques années, là, je retrouve la date, c'est 2014, donc ça fait déjà 2 ans. Je vous avais enjoint fortement d'aller le voir. Alors, un film dans lequel Chamberlain, côté réalisation, a pris le pari de s'effacer, donc il n'y a pas de narration. En fait, la seule narration qu'on entend de séquence en séquence, c'est celle de Seth. Et d'une certaine manière, mais Chamberlain a transférer presque l'œuvre à son sujet. Donc, à Seth, ça devient son film. Et dans ce contexte-là, par la variété des facettes de la mise en image, on met en exergue la variété des approches narratives préconisées par l'auteur. Et journal intime, album, illustration, travail de marionnette. Donc, vraiment, il y a un beau métissage d'approche par cette ville Dominion dont je vous parlais tantôt, qu'il construit peu à peu au fil des maquettes et de chroniques écrites dans son sous-sol. On exploite des séquences animées, du film traditionnel, du Super 8, des extraits d'entrevues, un clin d'œil nécessaire à cet artiste-là pour moi, en fait, qui est au champ d'exploration beaucoup plus large qu'on pourrait croire, une structure qui vient vraiment offrir un film qui est très rythmé, qui vient découper aussi la parole de Seth. Donc vraiment, j'avais été agréablement surpris de ce film-là. Évidemment, les scènes d'animation, eux, sont tirées des journaux intimes de Seth, des œuvres qui étaient jusqu'à présent non publiées, des courts-métrages à l'intérieur du moyen-métrage. Donc ça permettait de se plonger autrement dans l'autobiographique et ça permettait aussi pour moi en fait de prolonger ce qui semblait être pour Chamberlain et peut-être Seth aussi la vraie nature de ce film-là, qui est un regard sur la mémoire, sur les souvenirs, un regard qui est évidemment intrinsèque au questionnement existentiel et poétique de l'auteur et dont par conséquent, par extension, le film se fait porteur. Alors en fait, c'est quelque chose qui est à voir. Si vous l'avez pas vu, ben peut-être la sortie DVD peut être une belle occasion. Si vous aimez Seth et vous avez, pour je ne sais trop quelle raison, échapper le film, vous avez là une belle opportunité de vous rattraper. Et inversement, ben, si vous avez l'occasion de le visionner d'une manière ou d'une autre, profitez-en. Et ben évidemment, si vous avez l'occasion de voir en magasin ce boîtier-là, cette belle proposition d'édition également, ben ça peut valoir le coup. Alors, c'est le Dominion de Seth, version anglaise Seth Dominion, un film de Luc Chamberlain, d'Office national du Canada, qui vient tout juste d'être édité en DVD édition collectionneur par Drawn and Quarterly. Et je fais un petit clin d'œil également au passage parmi certaines réceptions. En fait, je mentionne ce que je sais. À l'occasion, on a peut-être certains d'entre vous qui aimaient bien les livres illustrés. Et si vous êtes intéressé, parce qu'on parlait du Japon en fait, et de la Chine et bref de ces régions-là au fil des dernières semaines. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait des ponts avec nos sujets précédents. C'est Carnet sauvage, en fait, de Zhao Dao, publié par les éditions Mosquito. C'est un recueil d'illustrations. Donc, essentiellement, Zhao Dao, au départ, nous dit, regardez, moi, quand j'aime à me détendre, je fais pas du dessin, d'observation ou le reste, quand je suis en train, moi, j'aime plutôt imaginer, inventer des créatures, inventer des scènes, faire du dessin un peu à main levée. Et là, l'auteur a été chercher dans ses croquis, justement, différentes de ces images. Ça donne quelque chose visuellement d'assez attrayant, évidemment avec un côté très très oriental dans les traits, dans les paysages, dans la nature de l'imaginaire qui est proposé. Des illustrations qui sont évidemment très très belles. Une certaine progression aussi dans le récit, dans la mesure où quand on commence, on a l'impression qu'on retrouve plus des créatures, des animaux, éventuellement des planches d'insectes, et en dernière partie, on tombe sur des scènes en pleine page au cœur de la nature, avec des éléments naturels qui sont presque déchaînés. Alors, il y a quand même une chouette progression également à l'intérieur de ce carnet. Alors, si vous aimez l'illustration, si vous aimez cette gamme culturelle-là, ben, vous risquez peut-être d'y trouver votre compte. Sinon, évidemment, vous n'y trouverez pas votre compte. Là, on se comprend bien là-dessus. Alors, c'est Carnet sauvage de Zhao Dao et c'est chez Mosquito. Alors, sur ça, on retourne en musique. Je vous rappelle, cette semaine, la formation qui nous accompagne au fil de l'émission, c'est donc la formation Bitonal Landscape, avec quelques singles qui viennent d'être publiés. On écoute un nouveau titre qui s'appelle Bonus Stage. J'en profite également pour vous rappeler ici à la VMBD que si vous avez envie de réécouter certaines des émissions, ben c'est possible de le faire. L'ensemble de ce qu'on vous offre depuis déjà presque 6-16 ans, quoi, est bien disponible en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Je vous offre également au fil des semaines quelques petites chroniques sur mon blog personnel voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant, on a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur d'Hiver nucléaire 2, une publication qui est arrivée au fil des derniers mois chez Front Froid. Arcab, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et Cab, en fait, avec Hiver nucléaire 2, tu poursuis ce qui était amorcé dans le tome 1, en fait, pratiquement côte à côte, si on peut dire, donc les aventures de Flavie. Est-ce que tu reviens là par intérêt personnel, à la demande générale, à celle de ton éditeur, ou une combinaison des trois? C'est un peu une combinaison des trois, je te dirais. Au début, j'étais pas sûre d'en faire une suite, mais entre la demande, je pense, des gens, un petit peu plus incitant à chaque événement. Et puis, quand je me suis finalement ouvert à l'idée que je pourrais faire un deuxième, mais là, les idées sont mises à m'arriver dans la tête, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, le timing est bon, j'ai le temps de faire ça en ce moment, fait qu'on y va. Et en même temps, l'idée, c'était pas de refaire à l'identique le 1, de pas nécessairement mettre ensemble les mêmes enjeux. Donc oui, c'est c'est les mêmes personnages en partie du moins, mais on était plus à la limite dans un côté amoureux qui était présent, amoureux non dit, si on peut dire, dans le premier. Dans le deuxième, on a plus un côté familial, j'ai l'impression, qui est mis de l'avant. Ouais, c'est sûr. Je voulais, dans le premier tome, les personnages, j'ai l'impression qu'ils se cherchent un peu. C'était pas vraiment c'est pas mon intention de leur donner une profondeur. Puis j'ai décidé justement d'évacuer le côté amoureux parce que ça prend trop de place. Ça devient vraiment ça prend vraiment beaucoup de place, un récit amoureux. Puis je voulais plus aller dans le psyché des personnages, de mes personnages principaux. Je tenais pas tant que ça à faire l'étude de Marco, fait que je l'ai un peu tassé. Mais avec Flavie, je me suis dit qu'il fallait un miroir pour qu'on puisse comprendre c'est quoi qu'elle avait en dedans d'elle, parce qu'elle intériorise un peu tout. Fait que je me suis dit qu'une sœur, probablement la personne la plus proche d'elle, c'est vraiment dans tous les sens du terme, là, pourrait vraiment faire sortir ce côté-là de Flavie qu'on n'a vraiment pas l'occasion de voir beaucoup. Fait que c'est pour ça que je décide de camper ça dans un setting un petit peu plus familial. Mm-hmm. Oui, puis en même temps, pouvoir aller chercher dans le rapport, ben, voir un peu ce qu'elle aurait pu devenir, si elle avait pris différentes décisions, mm-hmm. prendre conscience des relations qu'elle a mises de côté, peut-être, pour mener la vie qu'elle mène, les choix qu'elle a pu faire et le reste. Donc, effectivement, ça devient une manière d'apporter subtilement de des dimensions additionnelles à Flavie. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un bon point. On ne sait pas vraiment si elle a décidé de poursuivre cette vie-là par choix ou par obligation à cause de la catastrophe, mais je pense que c'est un petit peu des deux, puis elle trouve peut-être un peu du réconfort, un genre d'échappatoire à l'idée qu'elle doit continuer à faire ça parce que la vie est comme ça, puis il faut survivre, il faut avoir une job, puis il fait froid. Mais dans le fond, elle pourrait s'en aller. C'est pas implicite que Montréal est coupé du monde parce que c'est pas vrai. Elle pourrait tout simplement s'en aller, là. C'est juste que on dirait qu'elle se complaît un peu je trouve que misère, c'est un peu fort, mais j'ai l'impression qu'elle se complaît dans cette réalité-là où ce que dans le fond elle est très adaptée à l'hiver, puis elle est juste trop bonne à ce qu'elle fait qu'elle est comme pourquoi partir, tu sais. Et en même temps, ben pour nous, le choix qu'elle fait de rester nous amène à poursuivre justement l'exploration, la découverte aussi de ce qui est plus en trame de fond, parce que on peut le mentionner, c'est un peu comme dans le tome 1, Cap, dans la mesure où l'hiver nucléaire en tant que tel, Montréal enneigé, irradié, ben c'est la trame de fond, c'est le décor des aventures de cette personne-là, des gens qui l'entourent. C'est pas la finalité du récit, si on peut dire, c'est le contexte dans lequel le récit se passe. Oui, exactement. La ville est un peu... Mais dans le deuxième, c'est un peu plus le reflet de ce que Flavie a vu. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça vraiment au milieu de l'hiver. Tandis que le premier, ça se passe essentiellement en été. Même si, bon, c'est l'hiver toujours. Mais dans le deuxième, la température est vraiment plus... Le temps est plus hostile. Là. C'est vraiment... il fait vraiment plus froid. Puis j'ai décidé de maganer la ville un peu plus. Il y a plus de choses en ruine. Il y a plus Il y a plus d'indices de décrépitude de la ville. Il y a des buildings à phaser, chose que j'avais pas vraiment mis de l'avant dans le premier. Ça fait un petit peu plus post-apo. Mm-hmm. En vrai, c'est ça que je voulais faire. Je voulais que ça file post-apo, qu'on avait un peu atteint le point du non-retour. Qu'il y a des infrastructures qui sont complètement défaites. Puis c'est ça la réalité du moment, là. Et j'ai l'impression que parce qu'on se place à Montréal, qui est une ville qui, je pense, la plupart des gens connaissent, en fait, pour à tout le moins l'avoir visité, sinon y vivre. Donc, ça crée peut-être... ça donne plus de force à ces choix-là au niveau du décor. On les ressent peut-être un peu plus parce qu'on sait à quoi ressemblent réellement ces endroits-là. Donc, on est plus conscience du changement du make-up que tu leur as donné, si on peut dire. Ouais, c'est sûr que tu choisis avec précaution mes landmarks, là, mes lieux significatifs que je place dans la BD. Il y en a que je mets parce que c'est juste trop iconique, comme justement le Farine Five Rose, que je veux dire, ça faisait tellement longtemps que je voulais le dessiner que je me suis gâtée, là, même si c'est juste une case. Mais c'est sinon l'incinérateur des carrières, c'est sur le chemin d'où est-ce que je travaille, fait que je le vois pratiquement tous les jours. Puis il y a des choses comme ça qui me viennent presque naturellement. Puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres quartiers que j'aimerais explorer peut-être, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la ville, mais ce serait peut-être une autre fois. Ou à la limite, de l'autre côté de la 20 ou un peu plus bas sur ouais. Hors de l'île. Mais justement, enfin, en termes aussi de récit, bon, on a parlé un peu du côté familial, mais évidemment, il y a l'aventure elle-même. Je résume un peu l'amorce de ce côté-là. C'est lié au virus de la grippe. Donc, Marco, l'homme dont Flavie est secrètement amoureuse, a une grippe d'homme. Pour le sauver, elle doit lui trouver du sirop bâclé qui est en rupture de stock. Donc, ça montre bien, je pense, aussi le côté un peu absurde, si on peut dire, ou le côté humoristique aussi qui est très présent à l'intérieur de ça, avec une amorce qui est aussi cocasse, en fait, que, je veux dire, juste l'idée de la quête fait sourire en tant que telle. Ouais, non, c'est ça. J'essaie de rester dans l'anecdotique, c'est pour ça que les enjeux ils paraissent beaucoup plus importants qu'ils le sont pour de vrai, parce que, tu sais, en fond, c'est juste une grippe et il faut du sirop. Là. N'importe qui, dans un temps normal, pourrait aller à la pharmacie du coin et ça serait réglé. Mais le fait d'amplifier d'amplifier les problèmes comme ça. Je trouve que c'est ça qui donne un peu le côté absurde du récit, parce que c'est toujours dans l'exagération, tout est exagéré, tu sais, les réactions de Flavie devant les étagères vides, je veux dire, c'est complètement démesuré, là. Le fait qu'il y ait un trafic de sirop, je veux dire, c'est complètement ridicule, mais en même temps, ça reste des enjeux quand même assez proches du monde ordinaire pour se dire, ah ouais, c'est vrai que quand mon chum a la grippe, il a vraiment la grippe. Mmh. J'ai toujours l'impression qu'il est sur l'article de la mort. Fait que moi, j'ai décidé de faire un spin là-dessus, puis de faire pour une rare fois, mais c'est pas une blague, là, la grippe d'homme, là. T'sais, c'est là que je fais comme, je twist ça de côté, là, c'est vraiment sérieux, là. Là, on rit plus, là. Oui, puis à la limite, enfin, on joue aussi avec, tu sais, dans le fond, c'est l'héroïne qui va sauver le prince, entre guillemets. C'est, on joue un peu aussi avec les rôles ou là-dessus. Donc, c'est un peu en continuité aussi avec le premier tome de ce côté-là, où t'as quand même une héroïne qui est forte, qui prend les choses en main, puis qui règle les choses pour son entourage et reste, là. Ouais, quand même. Flavie, qui généralement fait les affaires pour elle, toute seule, de sa propre façon, généralement, elle se débrouille, tu sais, puis elle se fait pas chier elle fait pas ça pour faire plaisir aux autres, je pense. Je pense qu'elle a un sens du devoir, mais ouais, elle, quand ça fait pas son affaire, elle met son pied à terre, puis elle règle ça, là, elle niaise pas. Et en même temps, est-ce que c'est un peu à travers des éléments comme ça aussi, à travers la relation qui évolue, par exemple, avec certains personnages, mais que ça te permet de t'amuser à faire progresser certains points, à profiter d'événements ou d'éléments que tu avais mis en place dans le premier pour enrichir un peu aussi ton récit, ta narration ou la nature de tes personnages dans le deuxième? Ouais, c'est ça. C'est sûr que Flavie est un petit peu plus grincheuse que dans le premier. Au début, en fait, une drôle d'histoire, je pense que la sœur à Flavie soit une espèce d'ado pas très stéréotypé, mais tu sais, un petit peu blasé, puis bof, tu sais, pas trop hop la vie, un peu, très ado, là. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était impossible à faire parce que c'est Flavie qui est comme ça. Puis en relisant le premier, je me suis rendu compte qu'elle a vraiment un caractère de cochon. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement, elle est dégourdie, mais elle est pas particulièrement comme enthousiaste. Elle est plus résignée. Puis en relisant le premier, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de la faire changer de caractère pour s'adapter à l'avenue d'une sœur qui serait encore plus un peu baboune, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire sa sœur justement le contraire, complètement sur le party, puis tout va bien, puis ça faisait vraiment un rôle de miroir. Oui, puis pour continuer de faire évoluer les personnages, parce que veux pas, y a pas d'intérêt à rester statique. J'imagine comme auteur, même, ça devient plus intéressant de, OK, j'ai encore un autre tome, ben, on va faire un autre petit bout de chemin, puis si éventuellement il y en a un autre, ben, on continuera à progresser de ce côté-là. Mm-hmm. Ah, c'est sûr, c'est comme ça. Même à la fin du deuxième, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé chez Flavie. C'est beaucoup plus que dans le premier. Dans le premier, bon, les choses se résoudent quand même assez rapidement à la fin parce que c'est un webcomic, puis il fallait que ça finisse. Mais dans le deux, je vois vraiment, là, je trouve que son parcours intérieur a été vraiment plus marqué parce qu'à la fin, elle admet ses torts, puis il y a vraiment un gros changement, là. Et justement, Cap, je me demandais, en fait, le premier avait été rédigé, comme tu viens de le dire, destiné à être un webcomic d'abord, et ensuite c'est devenu un livre. Le deuxième était destiné à être un livre d'abord. Est-ce que ça changeait un peu la manière dont t'envisageais l'écriture? Je veux dire, en webcomic, souvent on dit, ben, OK, à toutes les X pages ou les planches, ben, faut puncher, faut donner envie à personne de revenir la semaine suivante. On n'a pas nécessairement cette obligation-là dans le contexte d'un livre. Je veux dire, on a l'objet dans les mains, on va le lire jusqu'au bout. Ouais, ça a été vraiment complètement différent. Dans le webcomic, j'avais comme un genre d'économie de la case pour arriver à un punch à la fin. Mais la différence, c'est que quand je faisais le webcomic, je faisais une page au complet, écriture comprise, ce qui est un petit peu suicidaire maintenant que j'y repense, là. Je faisais une page au complet en une semaine. Au complet, là. Du début à la fin, puis ça m'a pas pris de temps avant que j'avais plus de buffer. J'avais plus de page extra au cas où qu'il arrive quelque chose. Fait que j'étais toujours un petit peu à la dernière minute, mais tandis que pour le livre, j'ai eu le temps de faire un découpage vraiment plus soigneux. c'est le temps de revoir mon scénario. Puis j'ai vraiment réussi à... J'ai pu travailler plus de manière conventionnelle, comme généralement mes autres mes collègues artistes. Fait que juste d'avoir une méthode qui me donnait bien plus de temps pour justement revenir en arrière puis corriger des choses, c'est je me suis rendu compte que le webcomic, c'était vraiment pas un rythme normal. Là, puis... c'est pas quelque chose que je conseille vraiment. Là. Finalement, la scène d'action, j'ai le temps de la chorégraphier un peu plus et le reste. Oui, oui, c'est ça. Je peux prendre mon temps, puis je suis pas. Puis ça permet aussi de Il faut laisser dormir les pages ou les scénarios ou les découpages. Il faut les relire. On peut pas faire ça au complet dans une semaine. C'est complètement. Ça ouvre la porte à des erreurs de scénario, surtout, là. Moi, j'ai été chanceuse dans le premier parce que le scénario était ultra simple. Mais dans le deuxième, je ne pouvais pas me permettre là, de faire des erreurs de continuité. Fait que c'est pour ça que cette méthode-là était vraiment mieux. Et j'imagine aussi dans le choix des teintes, dans le choix, dans la mise en scène des personnages, encore là, de plus de temps de prendre du recul, de bien choisir. Surtout que l'album se passe essentiellement la nuit, donc dès qu'on est qu'à l'extérieur, il y a comme une espèce de nuit nucléaire, de Northern Lights qui vient s'installer. Donc il y a ce côté-là aussi qui a été développé, qui est amplifié peut-être un peu même. Ah oui, j'ai pris du galon depuis que j'ai fait la couleur pour le premier. Là, tu sais, je suis rendu coloriste maintenant, là, un peu par la force des choses. Mais vraiment pour le deuxième, il y a vraiment quelque chose qui a débloqué là, puis de pouvoir revenir justement, puis d'utiliser un petit peu plus de texture, puis de soigner mes lumières, puis de pouvoir planifier à l'avance aussi c'était quoi mes plages de couleurs, chose que je faisais pas dans le premier. Là, je pouvais planifier une scène au complet en fonction de la teinte que je voulais y donner. Ça rendait les choses bien plus intéressantes. Je pouvais vraiment faire des expérimentations avant de me lancer dans la couleur finale. Puis c'est vraiment ça qui a donné le ton à l'album. J'ai fait des bons en couleurs avec ce livre-là. C'est quand même fou, là. Et on incite les gens, bien évidemment, à y jeter un petit coup d'œil pour voir tout ça, pour voir l'évolution aussi du premier au deuxième, si on n'a pas lu le premier. Cab, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bien, à la prochaine. Merci, bye-bye. Bye-bye. Alors voilà, Cab, auteur, donc je le rappelle, d'Hiver nucléaire, le tome 2 qui a été publié il y a quelques temps du côté de Front Froid. On est dans la dernière ligne droite ici à la vie en BD jusqu'à 18h30 avec vous. Et dernière ligne droite qu'on passe en compagnie d'un de nos libraires en résidence. On le rejoint en direct de chez Pantoute. Édouard Tremblay, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tes auditeurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Et Édouard, en fait, on avait mentionné au fil des dernières années, en fait, ou de la dernière saison, qu'il y avait une nouvelle filiale qui se développait chez Glénat, donc Glénat Comics. Et les bandes dessinées sont arrivées pas mal en cavalcade au fil de l'automne, plusieurs nouveaux titres. Et c'est ce sur quoi tu as décidé de te consacrer dans ton intervention cette semaine. Alors, on parle de trois titres, en fait, Lady Mechanica, Robbie Burns, puis Evil Empire. Tout à fait. En fait, Glénat Comics, ce qui, oui, a vraiment le vent dans les voiles ces derniers temps. Dans le domaine du comics, en fait, on avait, bon, évidemment, ceux de Urban Comics qui avaient littéralement la dragée haute et qui multipliaient les excellentes publications. Non pas que les autres en avaient des mauvaises, mais force est de constater que Glénat a vraiment frappé très, très fort, d'excellents titres, d'excellents auteurs, et donc un embarras du choix absolument magnifique de ce côté-là. Là. Alors donc, Lady Mechanica, ça ressemble un peu à quoi? C'est un univers que je connais un peu moins. En fait, les trois titres, d'ailleurs, je le mentionne d'emblée, là, j'ai l'impression que c'est pas, pour moi, en fait, des héros qui sont aussi ancrés que certains qui sont développés, par exemple, du côté de chez Panini. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont de nouveaux titres, souvent. Les gens de Glénat, justement, sont allés puiser un peu du côté des indépendants pour nous amener, justement, de petites perles comme ça. Et Lady Mechanica, en fait, de Benitez, est une de ces belles nouveautés. Dans une ambiance steampunk victorienne, bon, le steampunk qui a fait un retour en force ces dernières années, et donc on va surfer sur cette vague-là et nous amener quelque chose qui, d'emblée, graphiquement, est absolument somptueux, un dessin d'une très, très, très, très, très grande qualité et un récit qui, également, là, n'a rien à envier au grand titre du comics de ces dernières années. Et côté narration, donc, steampunk, est-ce qu'on est dans une aventure un peu plus classique ou au contraire, c'est assez éclaté côté récit? On y retrouve, bien sûr, je dirais, les grands éléments qui font la force du steampunk, bien sûr, tout ce côté mécanique, de briques et de broc un peu, mais aussi tout ce qui fait la force, je dirais, de l'ambiance victorienne, à savoir justement en tout ce qui a trait aux costumes, en tout ce qui a trait aux thèmes qu'on va aborder, bon, que ça soit justement le côté un peu enquête à la Sherlock Holmes, le côté un peu justement gothique, sombre, les gitans, et donc tout ça qui va former un ensemble d'absolument là, très, très, très, très élégant et très prenant. Donc, toi, t'es vraiment happé. Est-ce que c'est un titre que tu connaissais déjà à l'avance ou au contraire, tu l'as découvert un peu avec cette sortie-là puis ils ont réussi parce que tu sembles assez convaincu par rapport à cet univers-là? C'est une des forces, en fait, de Glénat Comics. J'avoue que de fois en fois, en essayant leur titre, à chaque fois, j'ai retrouvé ce plaisir-là. J'ai toujours accroché sur les titres qu'ils nous ont amenés. Et justement, je connaissais pas du tout, en fait, Lady Mechanica avant qu'il arrive chez Glénat. Tout de suite, en fait, j'ai été, comme je disais, j'ai été happé là, littéralement par l'histoire. Cette fille qui enquête sur son passé très sombre, elle a été elle-même manipulée par un savant fou, un autre thème victorien classique, s'il en est. Et donc, on va suivre justement son enquête sur qu'est-ce qui lui est arrivé, d'où elle vient, parce qu'elle n'a guère de souvenirs de tout ça. Mais à travers cela également, ben, va s'inclure toute une intrigue politique, économique. Donc, on est vraiment, comme je dis, dans les grands thèmes là, de l'époque. Et pour Robbie Burns, Edouard, est-ce que tu es aussi convaincu ou... Encore plus. Encore plus. Si c'est possible. Robbie Burns, bon, certains des auditeurs connaîtront sans doute Robert Burns, le poème emblématique écossais, véritable, en fait, trésor national de l'Écosse. Eh bien, c'est ce Robert Burns-là qu'on va aller mettre en scène ici. Bien sûr, on va développer une fiction, mais une fiction qui se base elle-même sur les poèmes de Burns. Et donc, c'est à partir de ces récits-là, notamment un de ses poèmes assez classiques, qui s'appelle Tom O'Shant. Et donc, c'est ce poème-là qui va être adapté et on va en faire une fiction. Donc, Robert Burns, qui, à l'époque, bon, jeune fermier, empreint de poésie, un grand libertin, jouisseur, et qui, justement, a beaucoup de problèmes à cause de ça, car il débarque dans les tavernes. Il chante la pomme, en fait, à toutes les femmes présentes, mais doit composer avec les maris jaloux. Et c'est après justement de ces soirées là bien arrosées qu'il va tomber par inadvertance sur un sabbat de sorcière, on ne peut plus classique, dans les ruines d'une vieille église. Et émoustillé en fait par ce qu'il voit, il sera lui-même marqué par un démon. Démon qui va justement le condamner et il sera sauvé et pris sous l'aile de deux chasseurs de sorcières assez implacables de leur côté, mais qui vont l'initier et essayer de le sauver de lui-même, de cette marque démoniaque qui a été imposée sur lui. Et tout ça dans un style, j'imagine, assez réaliste? Très très beau, oui. Un dessin qui, pour les amateurs de comics, va rappeler un peu le trait de Mignola. Avec de beaux aplats, des traits parfois un peu simples, mais très très solides et très bien j'aurais très, très bien accentué de ce côté-là. Là. Et parallèlement, enfin, on passe au troisième titre. Je vais être sûr qu'on ait du temps de bien le traiter aussi. Evil Empire. Evil Empire, quelque chose qui, je t'avoue, m'a donné littéralement froid dans le dos. On a pratiquement l'impression de voir un peu qu'est-ce qui pourrait nous arriver advenant, disons, l'élection d'un Trump ou d'un homme du genre à la tête des États-Unis. C'est vraiment un peu l'espèce de récit d'anticipation que va proposer Evil Empire. Et c'est amené un peu de quelle manière? Là, j'imagine qu'on est dans un quand même un autre style comparativement aux deux premiers. Oui, complètement. Là, on est vraiment, comme je disais, dans l'anticipation. Tout tourne évidemment autour du politique. On est en fait en pleine élection américaine et un des coursier pour le titre de président est un sénateur extrêmement conservateur qui met l'accent sur les valeurs traditionnelles et qui va jouer beaucoup aussi sur le fait que sa femme a été assassinée dans des circonstances nébuleuses et donc qui, capitalisant là-dessus, bâtit peu à peu sa campagne jusqu'à un moment assez rapidement au début, je vole pas de punch à personne ici, où il va, pendant un discours littéralement, comme on dit en bon québécois, sauter un plomb et avouer devant tout le monde, dit, ben finalement, vous savez quoi? Ma femme, celui qui l'a tué, c'est moi. C'est moi parce qu'elle battait mon fils, parce que la police ne faisait rien, que je savais que ça donnerait absolument rien d'aller devant les tribunaux. Et je regrette pas. Je me fiche de la présidence et vous savez quoi? Je vous invite tous à faire comme moi, c'est-à-dire agissez donc comme ça vous plaît. Allez vers une liberté qui est complète, totale. Faites fi de l'autorité, faites fi de tout, de toutes les lois, les juges, tout ça n'est bon à rien. Et ce qui est absolument terrifiant, bien sûr, dans la chose, c'est qu'une grande partie de la population va lui emboîter le pas. Et donc là, évidemment, la roue se met en marche, on est un peu avec la roche de Sisyphe qui commence à tomber, là, si on peut dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et déjà, parce que là, maintenant, on a le deuxième tome aussi qui est paru, on voit que le mouvement, non content de se circonscrire, en fait, aux États-Unis, va prendre une ampleur et commencer à déborder, d'où cette espèce d'ascension, justement, de cet empire du mal, littéralement, basé sur une liberté pure et complètement débridée. Et j'ai l'impression, en fait, on a un récit qui est peut-être plus, justement, action, en fait, steampunk, un deuxième qui est un peu plus peut-être action historique, aventure, fantasy aussi, magie, le reste, le troisième qui est plus, comme tu disais, anticipation, thriller. Donc, on a trois styles qui sont assez différents. Est-ce que on dit, ben OK, il y en a peut-être un des trois qu'on recommande un peu plus, ou est-ce que les trois, dans leur genre, risquent de plaire à la clientèle qui va être happée par ce style, cet univers-là, en terminant? Ben moi, me considérant comme un grand fan de comics, j'avoue que peu importe le style, j'ai eu un plaisir fou avec les scénarios, avec les histoires, mais je pense que c'est aussi une des forces justement du catalogue de Glénat Comics, allant puiser vraiment de manière très ponctuelle, choisissant bien leurs auteurs, eh bien ils offrent au lectorat justement une multitude de choix, que ce soit justement pour les fans de SF, les fans plus de fantastique, plus de... On a cette possibilité-là, cette grande variété qui est vraiment extrêmement agréable. Ben Édouard Tremblay, merci beaucoup. Merci à toi Raymond. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tes auditeurs. Et je rappelle que les titres dont Édouard parlait, c'est Lady Mechanica, Robbie Burns et Evil Empire. Trois titres chez Glénat Comics. Et nous, la semaine prochaine, ben, on aura Louis Leclerc qui sera avec nous pour parler de Cartoon Connection et Pixel Animation. On aura Margarida Romero qui viendra nous parler de Vibot le robot. Et également, on vous parlera de l'histoire de la musique québécoise dans le contexte d'une conférence dessinée. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.